temos tempo agora para recebermos Alban de la Simone connosco, vindo diretamente de França para as classes, para uma série, uma pequena série de 3 concertos em Portugal. Coimbra, Estarreja e Lisboa vão receber um músico francês que vem apresentar não só o último registro intitulado Bungalow, o terceiro da sua carreira, mas preparou um espetáculo especial para o público português, muito em jeito de retrospectiva. Catastrofe. E aqui o temos nos estúdios da Rádio Universidade, pronto para nos responder algumas perguntas em francês, pois claro, mas sem dispensar a tradução que segue já a ver dentro de minutos. Bonsoir, Alban. Bonsoir. Merci pour cette petite interview. Nous allons bavarder alors un petit peu. Et je commence par vous demander quelle est l'histoire derrière Bungalow. Je sais que c'est une histoire très exotique, quoi, mais j'aimerais que c'était vous qui la racontiez. J'aime être isolé pour écrire. J'aime être dans des endroits lointains parce que ma vie parisienne est très très dense, très animée, et donc j'aime partir et j'aime beaucoup aller en Asie. Alors pour écrire Bungalow, je suis parti pendant un mois à Bali, qui est une île en Indonésie, qui est une île vraiment paradisiaque. C'est un endroit, c'est un paradis. Et j'y suis allé, j'ai été très bien, et je voulais aller dans cet endroit-là pour écrire un disque très ensoleillé, très, très léger. J'avais pas envie de chercher des choses trop négatives en moi, mais j'avais envie de chercher des choses positives. Et donc je suis allé les chercher au soleil et dans un pays très beau et très, très pur. Et j'ai passé un mois formidable et j'ai écrit toutes les chansons là-bas, presque toutes les chansons. Oui, et t'as resté dans un bungalow. Oui, voilà. Un bungalow qui était au milieu des rizières, des champs de riz. C'est très beau. C'est comme des escaliers verts, très grands, magnifiques. Et j'avais un bungalow comme ça sur 2 étages. Et le matin, j'écrivais les paroles des chansons sur la terrasse, au niveau du sol. Et l'après-midi, je montais dans ma chambre et j'arrivais en haut et j'écrivais en regardant les rizières, en regardant le paysage. J'écrivais la musique, je composais la musique avec une guitare. Acabamos de escutar a pequena explicação por trás de Bungalow. Bungalow que foi escrito em Bali, uma ilha na Indonésia, como sabem, pois Alban aprecia escrever em sítios sossegados para fugir um pouco à sua vida agitadíssima de Paris, e então escreveu este Bungalow num próprio bungalow, no meio dos arrozais. Um bungalow, curiosamente, de 2 andares, não era um bungalow qualquer. No andar de baixo de manhã, Alban escrevia as letras e seguia seguidamente, mirando os arrozais à tarde, arrozais que eram construídos numa espécie de, em jeito de sucalcos do Douro, mas versão arroz indonésio. À tarde lá seguia a música composta no andar de cima. Bravo! Quelle est la différence entre Bungalow et les choses que vous avez déjà fait? Vos deux premiers albums. La première différence, c'est que c'est mon dernier album. C'est le plus récent. Et donc c'est le plus important parce que c'est le dernier que j'ai sorti. Et le dernier est toujours plus important, plus nouveau, plus... la principale différence, c'est que j'ai voulu un disque vraiment... Les deux premiers disques que j'ai faits étaient des disques où je cherchais un équilibre entre lumière et sombre, entre gaieté et tristesse. Et là, j'ai voulu un disque vraiment beaucoup plus gai, peut-être un peu parfois bizarre, mais quand même assez joyeux. Explica Alban que a principal diferença entre este disco e os 2 anteriores é que, se nos 2 anteriores ele tinha procurado estabelecer um certo equilíbrio entre luz e sombra, entre melancolia e alegria. Neste, ele sentiu a necessidade de produzir um disco com uma toada bem mais alegre e, de resto, acrescenta que este disco é, sem dúvida, mais importante do que os antecessores, pois é o reflexo mais atual da sua posição em relação à música. Une chose curieuse, vous, dans chaque album, vous avez une collaboration avec une fille. Et comment ça se passe? Comment vous choisissez la personne? Oh, c'est pas un principe, hein, mais... ça arrive. Ça arrive à chaque fois, c'est vrai. La première fois, c'est avec Feist. Et, j'adorais... Elle était en train de préparer son disque. Et je... j'écoutais, je trouvais magnifique. On s'est rencontrés, je faisais mon disque. On était dans deux studios à côté. Et on s'est rencontrés et je lui ai demandé si elle était d'accord pour venir chanter avec moi. Et elle était d'accord. Peut-être. Tu veux traduire je perguntei. Perguntei ao Albin. Como é que em cada disco havia um dueto com uma rapariga? Como é que isso acontecia? E ele falou-me do seu primeiro álbum, no qual encontramos um dueto com Leslie Feist, que Alba não conhecia, mas sempre admirou, cuja música sempre admirou, e então simplesmente endereçou-lhe um convite que ela acabou por aceitar. Sur le deuxième disque, c'était Jeanne Chéral. Oui, c'était Jeanne Chéral. Jeanne Chéral était ma fiancée. Et tous les matins, on aimait chanter la même chanson, qui était une chanson de Frank Sinatra et Nancy Sinatra, qui s'appelait Something Stupid. Et on aimait la jouer ensemble, et c'était vraiment la chanson du matin, la chanson de couple qu'on chante à deux, il fait beau, c'est une ambiance très lumineuse et très gaie de jeunes couples. Et un jour, on a appris qu'il y avait une version française qui existait. Et j'étais en train de préparer mon disque et j'ai proposé à Jeanne qu'on la chante en français, tout simplement. Em relação à sua colaboração com Jeanne Chéral no segundo disco, uma colaboração que, aliás, passou repetidas vezes na RUC. Trata-se de uma versão francesa de Something Stupid, popularizado por Frank Sinatra e Nancy Sinatra. Na versão francesa, C'est mot stupide, cantado por Albin e Jeanne Chéral, na altura namorados, que despertavam todas as manhãs e cujo ritual de acordar incluía cantarem este C'est mot stupide, os dois. Era, segundo diz o Albin, a canção do casal e uma verdadeira forma gloriosa de começar a manhã. Albin, dans ce dernier album, on a la participation de Vanessa Paradis. Mm-hmm. C'est la même histoire. Non, c'est pas la même histoire. je fais des arrangements, je joue du piano avec Vanessa Paradis depuis 4 ans peut-être. Et on était en tournée et elle me disait qu'elle aimait mon disque qui venait de sortir, Bungalow. Je lui ai proposé d'enregistrer une nouvelle version de Adrienne, la chanson, une chanson qui était sur mon disque. Mais je lui ai proposé un tout petit rôle. Je voulais juste qu'elle chante qui est juste une petite mélodie. Et elle m'a dit mais je pourrais moi être Adrienne et on pourrait faire un vrai duo. Je dis, super, très bien. Donc j'ai réécrit la chanson, j'ai changé beaucoup de choses et une semaine après, on est allé dans un studio et on a enregistré une nouvelle version d'Adrienne où je raconte le côté masculin et elle raconte le côté féminin de cette chanson. Perguntava ao Albin sobre como surgiu a colaboração mais recente que encontramos em Bungalow, colaboração essa com Vanessa Paradis, a figura subejamente conhecida de uma verdadeira estrela pop francesa desde há muitos anos. Ele explicou então tocou piano na banda de Vanessa Paradis já desde há 4 anos. E então, quando saiu Bungalow, Vanessa escutou e gostou imenso do disco e propôs ela mesma regravar uma versão da música Adrienne. Ao início, Alban estava a pensar mais numa participação em forma de coros, mas depois Vanessa logo sugeriu uma reinvenção do tema, dividindo em parte feminina e masculina, e encena-se assim uma espécie de diálogo que resultou na reescrita da canção e na posterior gravação do tema, que podemos encontrar também em Bungalow. Vous avez dit que vous avez joué avec Vanessa Paradis et mais vous avez joué avec beaucoup d'autres artistes. Vous pouvez nous raconter un petit peu sur cette expérience d'accompagner d'autres musiciens, comme par exemple Salif Keita, qui est un musicien. Je suis venu à Lisbonne avec Salif Keita il y a 10 ans. Vous pouvez nous raconter un petit peu sur ça. C'est comment d'accompagner un musicien qui fait un type de musique qui est très différent de ce que vous faites. C'est très enrichissant. Mon cerveau est très limité, comme tous les cerveaux peut-être. Ma musique est assez limitée et j'aime beaucoup de musique et je suis musicien depuis toujours, depuis que je suis petit, et j'aime jouer beaucoup de formes différentes de musique. Et je crois que ça ne me suffit pas de jouer seulement mes 12 chansons par disque, seulement 12 chansons. J'ai besoin de jouer plus, j'ai besoin de faire plus d'arrangements, d'écrire pour des violons, j'ai besoin de faire vraiment de la musique tout le temps. Et donc je travaille avec d'autres chanteurs. Quelquefois avec Vanessa Paradis, en ce moment je fais des arrangements pour des quatuors à cordes, des violons. Avec Salif Keita, je jouais des claviers. Avec Jeanne Chéral ou d'autres gens, je suis producteur. Je joue du piano avec j'ai joué avec Iggy Pop l'an dernier. Et c'est des expériences très très différentes. Le style est très différent, mais c'est intéressant parce que c'est des styles de musique que moi je ne peux pas m'offrir. C'est les autres qui m'offrent ces styles de musique. Perguntei ao Alban como descreve a experiência de tocar com outros músicos, e especialmente músicos que fazem música muito distinta daquela que Alban compõe. Falamos de nomes como Salif Keita, Vanessa Paradis e até Iggy Pop. Ele costuma, já tocou aliás teclados com Salif Keita, foi com ele que visitou Portugal em concerto em Lisboa, e sobre esta mania das colaborações ele acrescenta que o seu cérebro é limitado em termos de música, como o de todos nós, e que não se contenta apenas em com a sua própria música, digamos. Procura também absorver o máximo de música possível, e é isso que o também estimula em tocar com pessoas que produzem música muito, muito diferente da sua. Alban, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui vous n'avez jamais joué, mais... Oui. Mais que vous aimeriez jouer avec? La question est très intéressante parce que quelquefois il n'y a pas de relation entre l'envie ou entre le plaisir qu'on a à écouter la musique de quelqu'un et le plaisir qu'on a à y participer. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais par exemple, j'aime beaucoup Alain Bachung, je ne sais pas s'il est connu au Portugal. C'est un très grand chanteur français qui est mort cette année et qui était un poète assez libre, assez intéressant. J'aime beaucoup sa musique, mais je sais que travailler avec lui, c'est très compliqué, pas très intéressant, parce que c'est quelqu'un qui maîtrise tout et qui n'offre pas de... Enfin, pour simplifier, quelquefois, le travail sur un disque est plus intéressant que le disque lui-même, ou quelquefois le disque est très intéressant, mais le travail n'était pas très intéressant. Et ça, j'ai appris à m'en rendre compte avec le temps, et donc j'essaye de rester très ouvert, parce que j'ai des très bonnes surprises et des très mauvaises surprises, et c'est impossible de savoir à l'avance. Perguntei ao Alban se havia ainda algum nome com quem ambicionasse colaborar, e ele disse-me que, curiosamente, acha que não é tão linear quanto isso, a sensação de fazer um disco e ouvir um disco, ou seja, ele tem-se dado conta ao longo dos anos que muitas vezes o trabalho final do disco não foi muito agradável de fazer, e vice-versa. Portanto, ele tenta conservar a mentalidade o mais aberta possível em termos de colaborações, e tentar variar sempre um pouco em termos de artistas. Et maintenant, une question... Je précise quand même que j'ai des goûts un peu quand même assez tranchés et que je dis non une fois sur deux quand même. C'est, je ne dis pas oui à tout, mais je reste, j'essaye de rester ouvert en fait. Je ne fais pas n'importe quoi quand même. Quoi. Acrescenta ele que também não diz sim a toda a gente nisto das colaborações e que tem uma percentagem de recusas de 50%. Portanto, não se manda assim para qualquer sítio. Maintenant, une question peut-être classique. Comment vous regardez la scène de la musique française aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez des nouveaux artistes? La musique a grandi quand même ou non? Je demande ça parce que un peu à cause de vous et des artistes comme Vincent Delerme, ouais, qui ont réussi de faire écouter la chanson française avec des nouvelles chansons. Mmh. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est très bien. C'est Vincent Delerme et plein d'autres gens très différents chantent et écrivent des textes et des musiques et des textes en français, les chantent en français. Et le public français s'est beaucoup intéressé à ça ces dernières années. Donc c'est vraiment ça a créé une vraie énergie en France, de gens qui se sont mis à écrire des chansons. Donc c'est très beau, il y a de très belles choses qui sont arrivées, mais c'est très varié, il y a des choses horribles aussi, je trouve, qui sont arrivées. On va toujours dans les excès, quoi, dans les choses très... on parle beaucoup d'une forme de chanson qui parle des petits détails de la vie quotidienne. On parle beaucoup de ça. Et c'est à double sens, parce que on peut parler de pommes de terre et de couscous, par exemple, et c'est pas très intéressant. Alors, on a gagné et on a perdu, mais il y a peut-être un ton un peu différent. Tu veux traduire au fur et à mesure ou... Estava o Alban a explicar uma explicação que ainda não terminou, mas que se vai alongar, por isso vamos desde já começar a traduzir. Eu perguntava-lhe uma pergunta de certa forma clássica: como é que ele se revê no panorama atual da música francesa? E falei-lhe em nomes como Vincent Delerme, que nos últimos anos deram-nos a conhecer uma faceta contemporânea da chanson française, uma afirmação com a qual Alban concorda e é uma coisa que aprecia bastante, pois têm aparecido não só músicos, mas também escritores, no sentido de que esta nova vaga de chanson française se manifesta muito na lírica, uma lírica escrita bastante cuidada, mas que ao mesmo tempo se debruça sobre pormenores do cotidiano. E é agora que vou continuar a pergunta, perguntando precisamente ao Alba. Sim, são pormenores da vida cotidiana, mas que de facto são explicados com um tom irónico e com um humor muito, muito próprio. Alba, vous avez dit que ces chansons étaient sur des petits détails, mais quand même on parle de pommes de terre, mais on parle de pommes de terre avec d'ironie et d'un humour très intelligent. On pouvait parfois. Dire que... oui, parfois. Non, mais ça peut être intéressant. Les bons exemples... Mais voilà, il y a des bons exemples et des mauvais exemples, mais Le danger de cette scène, de cette grande vague, a été peut-être d'être très peu poétique, d'être très concret, et c'est presque de la chronique du quotidien. Le matin, je me lève, je mange des œufs, et éventuellement, je ferme la porte et je suis enfermé dehors. C'est, ouais. J'en fais moi-même des chansons comme ça. Mais le danger, c'est de n'amener nulle part ailleurs que dans le quotidien. Si c'est juste pour ramener les gens à ce qu'ils vivent tous les jours, je trouve ça très pauvre, en fait. Et il y en a beaucoup comme ça, je trouve, qui ne m'intéressent pas beaucoup. Et je trouve que c'est intéressant si on arrive à se servir de ça pour basculer dans quelque chose de poétique ou de fantasmagorique. Ou... Oui, et... ça donne l'impression que la musique ne pouvait pas exister sans la lyrique. Quoi, vous pensez que les mots sont plus importants que la musique dans ce c'est cas? C'est particulier. Dans mon cas, en tout cas, moi je suis musicien au départ, donc la musique était la plus importante au début. Et j'ai commencé à écrire des paroles. Et maintenant, je n'écris pas une seule chanson si je n'ai pas les paroles. Je commence par les paroles. Donc pour moi, maintenant, les paroles sont très importantes. Et les paroles me dictent la musique. C'est les paroles qui vont me donner le rythme de la musique, l'intention de la musique. Est-ce que c'est une musique angoissante? Est-ce que c'est une musique relaxe? Est-ce que c'est... Donc pour moi, oui, le fait de faire de la chanson, c'est à cause des paroles ou grâce aux paroles. Pausa para a tradução, para respondermos à questão da nova música francesa, digamos assim, de uma lírica que se debruça muito sobre pormenores do cotidiano, com a qual Alban não se identifica totalmente, pois, diz ele, corre-se o risco de estarmos a transformar cada canção em crónica. E isso, eu perguntei-lhe se isso não diminuiria também o peso da música, e Alban conta-nos que, segundo a sua experiência, ele que é músico já desde há muitos, muitos anos, começava primeiro pela música e só depois pelas palavras, mas ao longo dos anos as palavras foram ganhando importância e agora são elas que ditam o ritmo da música e também o sentimento da mesma. Alban, maintenant, parlons un petit peu de cette tournée portugaise. Oui. vous avez été déjà ici au Portugal avec Salif Keita. 24 heures. Oui. Et vous jouez souvent en des autres pays où on ne parle pas français. Jouer ou chanter? C'est une bonne question aussi. C'est mais une question importante. C'est important, ça. Oui. Ma réponse n'est pas la même. Non, mais jouer. En ce cas, jouer comme Alban de la Simone. Solo. Chanter, donc. Oui, ouais. Chanter. Non, pas souvent. J'ai chanté au Japon. Et je crois que c'est le seul pays... J'ai chanté en Allemagne aussi, et je chante au Portugal. Et sinon, je chante au Canada francophone, en Suisse, en Belgique, en France, dans les pays francophones. Donc c'est seulement le troisième pays non francophone. C'est très rare, en fait. Oui, et qu'est-ce que vous pensez de ça, en jouant dans un endroit où on ne comprend pas... Oui. C'est un mystère, c'est un très grand mystère et c'est une très grande interrogation. Je suis très curieux de savoir ce qui va se passer demain, après-demain. Je ne sais pas ce que le public peut attraper s'il ne comprend pas les paroles, mais il attrape le son, il attrape l'instrument, il attrape ma voix, mon physique. Le décor, enfin la scène, mais moi je fais quelque chose en plus, je raconte des histoires en plus que peut-être le public n'entend pas, et ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que le public devine, en fait. Eu perguntei ao Albans o que é que espera desta turnê em Portugal. Ele que nunca, ou quase nunca, atua fora de França. Já atuou assim acompanhando outros músicos um pouco por todo o mundo. Mas como Albin de la Simone só apenas tocou no Japão, na Alemanha e no Canadá francófono. Portanto, está muito, muito curioso em relação à reação das pessoas que... às quais, aliás, irá escapar uma boa parte daquilo que é dito, daquilo que Albin vai contar, mas ainda assim, obviamente, vamos poder compreender a sua música, o cenário e a sua personagem. E maintenant, une dernière question. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir et écouter dans ces trois spectacles? Je sais que vous n'irez pas jouer seulement Bungalow, mais en fait, de faire une petite présentation comme un best-of de Albin oui, de la Simone. Oui, c'est un peu ça, parce que je viens tout seul et... il y a certaines chansons que j'aime beaucoup jouer tout seul, donc c'est l'occasion pour moi de les jouer, parce que sinon je peux jouer aussi avec des musiciens, et ça change beaucoup l'équilibre de le choix des chansons. On va voir un chanteur en costume, je suis en costume, avec un instrument qui s'appelle un Wurlitzer, c'est un piano électrique des années 60, 50 peut-être, mais aussi... Alors là, c'est très compliqué. Vous allez voir un piano mou. Piano mou. À vous de réfléchir comment traduire un piano mou. Une guitare de foot, de football. Et c'est tout. Et peut-être une machine à écrire. Je ne sais pas comment on traduit un piano mou. Eh oui, c'est ça, c'est le grand problème. Peut-être que Sarah a une explication. Comment tu dis ? Je peux le dire ? Meliavel. Moldavel. Teclage ? Non ? Teclade. Vamos poder ver em palco então um teclado maleável, uma guitarra de futebol e talvez uma máquina de escrever. E também o próprio Albin de la Simone vestido a rigor no seu fato de palco. E claro, uma peça importantíssima, um teclado Wurlitzer dos anos 60, uma peça obrigatória para... cada espetáculo de Albin, espetáculos estes onde irá atuar sozinho, normalmente atua sempre com uma banda, mas este é um formato que também lhe agrada bastante, porque lhe permite experienciar várias outras maneiras de estar em palco. E assim terminamos esta pequena entrevista com Albin de la Simone. Merci Albin por cette petite interview. Merci Carla. Bonne nuit. Oui, et on se verra ce soir, hoje à noite. Oui, alors, ok. Hoje à noite, não perder o concerto de Albin de la Simone no TAGV, como sempre, pelas 21h30.